Merci, Christian. Oui, Philippe, je te dis amen à ta parole et que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. En tout cas, moi, il m'a fait du bien. Donc, je prie qu'il vous fasse également du bien. OK. Donc, je vais vous partager mon écran un instant. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, super. Comme Christian l'a dit, nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe. Et voilà, c'est bon. OK. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ici, Dieu nous donne la conduite à tenir, le comportement à avoir devant n'importe quelle situation dans nos vies. Et il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Il dit, c'est en étant calme et confiant que sera votre force. En fait, notre force repose ou doit reposer sur le calme et la confiance, sur notre capacité à être calme et sur notre capacité à être confiant. Et ce matin, je vais, en tout cas par la grâce de Dieu, je vais insister sur la confiance. Eh bien, c'est quoi la confiance? Là, pour cette, disons, définition personnalisée de la confiance, je tiens à faire un clin d'œil à Guillaume qui m'a aidé là-dedans. Ici, confiance, commence par une prise de décision, par un choix, par une position. Et ce choix, cette position, va nous donner d'être en sécurité, aura pour conséquence la sécurité, la paix et l'assurance. En d'autres mots, lorsque je fais le choix, lorsque je prends la décision de faire confiance, eh bien, l'image, c'est que c'est comme si je suis transporté dans une atmosphère de sécurité, de sûreté et d'assurance, de paix. Donc, on voit ici que l'élément essentiel, l'élément important, c'est la prise de position, c'est la décision de faire confiance. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va s'attarder ce matin, en tout cas avec la grâce de Dieu. Eh bien, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Vous savez, la semaine dernière, le dimanche dernier, j'ai lu Ésaïe 36 et la première chose qui m'a frappé, c'est cette question-là. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et je vais vous le dire, cette semaine-là, j'ai réfléchi, j'ai médité sur cette question. Pas que je ne savais pas la réponse, mais je suis allé au plus profond de moi et j'ai dit, Landry, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et c'est cette question que Dieu nous pose ce matin, d'aller au plus profond de nous et de répondre à cette question. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je crois que lorsque Dieu nous pose une question, ce n'est pas qu'il ne sait pas la réponse, il le sait. N'est-il pas omniscient? Lorsque Dieu nous pose une question, c'est, je crois, de nous emmener à réfléchir et à méditer en profondeur sur les implications de cette question. Eh bien, on va lire Ésaïe 36. On va entrer dans le passage même d'aujourd'hui, qui est Ésaïe 36, du verset 1 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire de Joash, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chats et les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joash dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré dans son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, Quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Verset 22. Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le roi, Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Amen. Donc, comme Christian l'a dit tantôt, nous sommes dans la partie historique du livre d'Ézéchias. Il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas de métaphore, les choses sont claires. En fait, c'est une histoire qui est racontée. Et pour ma part, je pense que... OK, donc la question que l'on s'est posée, que l'on se pose ce matin, c'est quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Eh bien, ce matin, nous allons voir trois appuis sur lesquels l'on est tenté de placer notre confiance. Je pense que comprendre ce passage dans sa profondeur nécessite une compréhension du contexte. Et je vais un peu brosser le contexte pour que nous ayons une bonne assise avant d'entrer dans le message. Donc ici, vous voyez en vert ici, nous voyons ici la superficie de l'empire assyrien. Donc vous voyez, donc c'est un vaste empire. C'était un vaste empire. Et là, au bas ici, bon, c'est marron. Bon, certains vont dire brun, mais bon, je ne suis pas très bon en couleur, mais mettons brun. Ici, en brun, c'est Juda et Jérusalem. Et on voit que Juda et Jérusalem ne sont pas en vert. Ça veut dire que Juda n'a pas été sous la domination de l'empire assyrien. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Eh bien, vous aurez un élément de réponse aujourd'hui et l'autre la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc, c'était juste ça que je voulais vous montrer, que Juda ici, face à un gros empire, vraiment, c'est comme, ça fait penser à David contre Goliath. Donc, le contexte. Première chose à retenir, c'est que ces événements qui se déroulent dans Ésaïe 36 ont été annoncés par Dieu. Lorsque vous lisez Ésaïe 7, Ésaïe 8 et même Ésaïe 10, vous allez voir que Dieu annonce déjà ces choses des années avant. Et on voit ici l'omniscience, l'omnipotence de Dieu. Deuxième chose, c'est que Dieu, au travers de son prophète Ésaïe, dit, dans Ésaïe 10 plus précisément, que l'Assyrie est un instrument en ses mains. Donc, ces événements-là sont permis par Dieu. Le royaume d'Israël. Ici, Israël, lorsque vous regardez la carte, en haut, vous voyez Israël et en bas, vous voyez Juda. Donc ici, le royaume d'Israël n'est plus. Pourquoi? Parce que l'empire assyrien a vaincu le royaume d'Israël, a déporté les habitants d'Israël. Donc, le royaume d'Israël n'est plus. C'est comme si vous êtes deux nations qui sont côte à côte et du jour au lendemain, il y a une nation dont les habitants sont carrément déportés dans un autre pays, sur un autre territoire. Et vous êtes là seul. Et le même ennemi qui a déporté ceux qui vivaient près de vous se trouve à vos portes. pour aussi vous déporter. Ici, on parle du roi Ézéchias. Ézéchias, la Bible lui rend ce témoignage-là quand Juda, parmi tous les rois de Juda, avant et après lui, il n'y a point eu de roi qui semblable à lui. Il a fait plusieurs réformes pour ramener le peuple, le cœur du peuple vers Dieu. La Bible déclare aussi que Ézéchias était un homme attaché à Dieu. À un moment donné, Ézéchias devait payer un tribut au roi d'Assyrie. Mais à un moment, il s'est révolté contre le roi d'Assyrie. Et à l'issue de ça, le roi d'Assyrie a décidé de mener une campagne militaire. Lorsque vous regardez sur la carte, la ligne rouge est la campagne militaire menée par le roi d'Assyrie, Sanchérib, pour envahir Juda, pour assiéger Jérusalem. Donc, lorsqu'il arrivait à Lachish, selon 2 rois 18, eh bien, Ézéchias a envoyé à Lachish des émissaires pour, je paraphrase, dire au roi d'Assyrie, vraiment, j'ai mal fait d'agir, je n'aurais pas dû me révolter contre toi, voici un tribut pour me faire pardonner. Et ce tribut qu'il a donné au roi d'Assyrie, en fait, représentait tous les trésors de la maison du roi et tous les trésors de la maison de Dieu. Donc, il a tout ramassé, tout pris pour donner au roi d'Assyrie. Mais malgré cela, le roi d'Assyrie a continué son avancée sur Jérusalem. Donc, ce qu'il a fait, bon, n'a pas servi à grand-chose. Donc là, c'est le contexte de ce chapitre-là. Donc, la question à laquelle on veut répondre ce matin, c'est quelle est donc cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et on a dit que nous allons voir trois appuis sur lesquels on est tenté de placer notre confiance. Eh bien, le premier appui, c'est la confiance en l'homme, ou on peut dire le premier appui, c'est l'homme. Ici, on va prendre le cas de l'Égypte. Lorsque vous prenez, lorsqu'on prend Ésaïe 36, 6, la Bible déclare, « Voici, tu as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Donc, l'Égypte était un roseau cassé. Bon, je suis allé prendre une image d'un roseau cassé. Ça, c'est un roseau. C'est ce que vous voyez ici. C'est un roseau. Imaginez ça, mais cassé. ce n'est pas digne de confiance. Ce support-là n'est pas un support solide. C'est un support faible. Mais aussi, ce roseau cassé pénètre et pèse la main de quiconque s'appuie dessus. Ce qui veut dire que ce n'est pas fiable. Donc, non seulement l'Égypte, ici, n'est pas fiable, mais l'Égypte est faible, a des limites. Ainsi, le premier appui ici, qui est l'Égypte, c'est un support qui n'est pas fiable, sur lequel on ne peut pas pleinement faire confiance, parce qu'il n'est pas fiable. Ensuite, on est toujours dans le premier appui, qui est la confiance en l'homme. Mais là, au lieu de prendre l'Égypte, on va prendre ici la Syrie. Et on peut le voir plus précisément du verset 14 au verset 20. Je vais lire la parole du Seigneur. Ainsi parle le roi qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera plus livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne. Bon, on va s'arrêter là. Donc là, en d'autres termes, c'est que le roi d'Assyrie dit, pour paraphraser, pour résumer ce que Rabshakeh a dit, c'est que rendez-vous, et lorsque vous allez vous rendre, bon, je vais vous permettre de vaquer à vos occupations, de pourvoir à vos besoins, de lever le siège. Mais, il y a un mais, comme pour l'Égypte, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est la déportation. Le prix à payer, c'est la domination. Le prix à payer, c'est être sous c'est l'esclavage. Le prix à payer, c'est être sous la tutelle de la Syrie. Eh bien, aujourd'hui, on dit qu'il y a des régimes de tyrans, tout ça. Mais le roi d'Assyrie était un tyran à la tête d'un royaume cruel. Il n'y avait pas plus cruel que les Assyriens. Donc, être sous la domination d'un tel roi, sous la tutelle d'un tel roi, imaginez ce que ça peut impliquer. Ce que j'appelais ici une pseudo-liberté. Donc, ici, on voit que le fait de faire confiance, de placer sa confiance en l'homme, a également ses limites. Dans la mesure où il y a un prix à payer, il y a un fardeau qui est lourd. Il y a un fardeau qui est difficile. C'est ce qu'implique la confiance que l'on peut placer en l'homme. Donc, dans cette première partie, qui est la confiance en l'homme, on voit que cet appui-là, ce premier appui, a des limites, dans la mesure où il n'est pas fiable. Et il implique de porter un fardeau lourd et difficile. Passons maintenant au deuxième appui. En fait, je reviens un peu sur le premier appui. En introduction, j'ai parlé de la confiance et de ce qu'elle implique. On voit ici qu'en plaçant sa confiance en l'homme, il n'y a pas de sûreté, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a même pas d'assurance. Maintenant, le deuxième appui, les mensonges. Les mensonges l'on peut être tenté de s'appuyer sur les mensonges. Ici, j'ai rapporté les paroles du roi Sanchérib à travers Rabshakeh. Et là, on le voit dans Ésaïe 36, 10. Ici, Rabshakeh s'adresse à la fois à Ézéchias et aussi au peuple devant lui. Mais je tiens à vous mentionner que selon Ésaïe 36, 37, les habitants de Jérusalem sont en face d'une armée de 185 000 hommes. OK? Et sont en face de 185 000 hommes. Imaginez ce que ça peut représenter en termes de personnes. Et en ce temps-là, Jérusalem avait une superficie de 150 ars. Donc, imaginez un peu une telle superficie face à 185 000 hommes. Ça, c'est un élément contextuel. Donc, le deuxième appui, les mensonges. Ésaïe 36, 10. Ça, c'est la parole de Rabshakeh. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Ah, c'est la parole de Rabshakeh. Ce qui est un mensonge. Parce que, en d'autres termes, ce que Rabshakeh dit, c'est que Dieu a envoyé l'Assyrie ici, le royaume d'Assyrie, l'armée assyrienne, pour détruire Juda et Jérusalem. Mais que dit Dieu? Avant que cet événement arrive, Dieu avait déjà annoncé les choses. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Ésaïe 10, malheur à l'Assyrien, vais-je de ma colère, la vais-je de ma main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Donc ce que Dieu dit en résumé ici, c'est que l'Assyrie est un instrument entre mes mains pour châtier mon peuple. Mais l'envie ou la volonté de détruire vient du cœur de l'Assyrien. Dieu n'a donc pas demandé au roi à Sanchérib, roi d'Assyrie, d'aller détruire Jérusalem. Donc on voit ici Sanchérib aller au-delà de extrapoler ce qu'il devait faire. Deuxième, nous sommes toujours dans les mensonges. Ça, c'est le deuxième point au niveau des mensonges. Encore une fois, j'ai rapporté également les paroles de Sanchérib. Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Vous voyez qu'il se met à la hauteur de Dieu ici. Bon. Ici, ce que Sanchérib dit au travers de Rabshakeh, c'est que Dieu ne est incapable de vous délivrer. Vous êtes de vous délivrer entre mes mains. Donc Jérusalem est entre mes mains et personne, même pas Dieu, ne peut délivrer Jérusalem. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit. Encore une fois, avant ces événements-là, Dieu encore a annoncé ces choses à son peuple. Dieu dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. En d'autres termes, c'est que Dieu dit que je veux faire grâce à mon peuple, je veux sauver mon peuple. Et quand ce peuple-là va élever la voix vers moi, moi, je viendrai à son secours. Donc, on voit ici Dieu qui a la volonté et aussi qui a la capacité de délivrer Jérusalem. On voit ici que la parole de Dieu et la parole de l'ennemi sont carrément en contradiction. Alors, n'est-ce pas que des fois, on est là et puis, bon, on peut avoir des pensées basées sur des mensonges. Qui nous emmène à douter de Dieu, qui nous emmène à douter de la capacité de Dieu, Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute les mensonges ou est-ce qu'on écoute la parole de Dieu qui est la vérité? Donc là, on a vu le deuxième appui, les mensonges. Les mensonges qui nous emmènent à douter de Dieu. Et ces mensonges-là, lorsqu'on compare à la définition de la confiance en introduction, ces mensonges-là ne procurent ni la sécurité, ni l'assurance, ni la paix. Au contraire, elles sèment le doute en Dieu. Troisième appui qui nous, sur lesquels on peut être tenté de s'appuyer, de placer sa confiance, ça c'est mieux, de placer sa confiance. On a les faux raisonnements. Bon, là c'est au niveau du verset 22. Et Éliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias. Les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Donc là, ici, Éliakim, Shebna et Joash sont les émissaires du roi Ézéchias. Il les a envoyés auprès de Sanchérib, plutôt de Rabshaké. Et on a tous entendu ici tout ce que Rabshaké a dit. Et là, après avoir entendu tout ça, il retourne vers le roi avec les vêtements déchirés. Bon, j'ai fait un peu de recherche pour voir un peu la symbolique derrière le fait de déchirer ses vêtements. Eh bien, dans Genèse 37-34, lorsque Jacob a appris que Joseph avait été tué par un animal, par une bête féroce, il a déchiré ses vêtements. Lorsque David, dans 2 Samuel 1, lorsque David a appris que le roi Saül avait été tué, il a également déchiré ses vêtements, lui et ses hommes. Donc, derrière la symbolique de déchirer ses vêtements, on peut conclure que c'est une manifestation d'une douleur, d'un deuil, d'une amertume, d'une énorme et grande tristesse. C'était ça, l'état d'esprit de ces trois-là, Rab, Éliakim, Shebna et Joash, lorsqu'ils sont revenus auprès du roi Ézéchias. C'est là le faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est... Cela nous fait penser à... Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espérance. C'est fini pour nous. On sera exterminés. On sera détruits. Oh, pauvre de nous, c'est fini. C'est là le faux raisonnement. Et en plus de cela, on voit un lien. Le fait de se confier en l'homme nous expose au mensonge de l'ennemi. Et le fait lorsque nous sommes exposés au mensonge de l'ennemi, nous sommes exposés au faux raisonnement. C'est là le faux raisonnement de Éliakim, Ilkija et Shebna. Je pense qu'il arrive souvent pour nous que des fois, après avoir entendu certaines choses, on peut avoir des faux raisonnements qui nous amènent à être tristes, à être abattus, à avoir comme un visage de deuil. Mais là, c'est douter de Dieu, douter de sa capacité et de sa force. Ce matin, on a vu trois appuis sur lesquels l'on est tenté de placer notre confiance. Le premier, c'est la confiance en l'homme, c'est l'homme. On a vu que cet appui-là est fébrile. n'est pas fiable, ne procure pas la paix, pas l'assurance, pas la sûreté. Le deuxième appui, ce sont les mensonges. On a également vu que ces mensonges sèment le doute dans nos cœurs. Ces mensonges ne procurent pas la paix, pas l'assurance, pas la sûreté. Enfin, le troisième appui, les faux raisonnements, qui ne procurent aussi aucune paix, aucune assurance, aucune sûreté. Au contraire, qui nous amènent à adopter une conduite, une attitude devant les situations qui ne plaît pas à Dieu. Une attitude de désespéré, une attitude de défaitiste, une attitude d'angoisse, de peur. En introduction, on avait posé une question. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et moi? En fait, répondre à ces questions va nous conduire à répondre à la question principale. Y a-t-il quelqu'un sur qui je porte mes regards plus qu'en Dieu? Lorsque je suis face à une situation donnée, vers qui je tourne les regards? Vers l'homme et ses ressources ou vers Dieu? Est-ce que je crois en Dieu ou les mensonges du diable? Est-ce que je crois ce que Dieu dit ou est-ce que je crois ce que le diable dit, les pensées qui me viennent à l'esprit? Et Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Qui est-ce que je crois? La vérité ou le mensonge? Dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il m'arrive de douter de Dieu, de sa puissance, de sa capacité à me délivrer, à venir à mon secours? Est-ce qu'il m'arrive souvent de poser des questions sur la capacité de Dieu, sur son omnipotence, sur sa toute-puissance? Est-ce que souvent, on n'a pas, on n'adopte pas la même conduite que Shebna, que Eliakim? En introduction, la question d'introduction revient et répondre aux questions posées précédemment va nous aider à répondre à cette question, d'entrer en nous-mêmes et de répondre à ces questions. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Eh bien, je vous dis, moi, j'y ai médité la semaine. Profondément méditer là-dessus. Et la conclusion à laquelle, ma conclusion, c'était, il n'y a de secours qu'en l'Éternel seul. Et une nuit, quand je marchais dans les rues de Saint-Lambert, parce que bon, j'aime beaucoup marcher, ça me permet de réfléchir, de méditer. Souvent aussi, en marchant, je parle à Dieu à haute voix. Donc, une de ces nuits-là, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce matin encore, je dis, Seigneur, je te fais confiance. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'arrivent que je ne comprends pas toujours. Il y en a beaucoup que je ne comprends même pas. Mais Seigneur, c'est un choix, c'est une décision. Je te fais confiance. Alors, cette question est posée à tout le monde. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Merci et shalom.